بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل اليوم في الدرس أظن الثاني 80 لأن حصل une erreur de le classement la dernière fois, je crois que j'ai cité deux fois le 80. Donc là aujourd'hui, logiquement, c'est censé être la 82e leçon. Ah, j'ai perdu la page. Afwan. Non. Taï. قال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 56 بعد 500 556 question. من هو الصحابي الذي كان يعمل في البز وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميسة؟ Donc il dit qui est le sahabi dans la 556e question, qui est le compagnon qui travaillait dans le vêtement, dans le domaine du vêtement et du tissu, et qui a donné en cadeau au Nabi صلى الله عليه وسلم une خميسة, c'est une forme de tunique qui contenait des motifs comme des rayures ou des carreaux ou ce genre de choses. Donc ce sahabi c'est Abu Jahm. Abu Jahm. Et d'ailleurs, dans un dirs auparavant, je m'étais trompé de nom, c'est lui le sahabi qui avait demandé Fatima de faire une khidba avec elle en même temps que Muawiyah. Dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il ne déposait pas le bâton de son épaule. C'est-à-dire qu'il frappait les femmes. Si je ne me trompe pas, en fait c'était lui. Donc je ne sais pas qui j'avais dit la dernière fois, mais il me semble que j'avais un doute. J'avais peut-être dit un autre nom, en fait c'est lui, c'est Abu Jahm. Naam. ثم قال في السؤال السابع و557 557 question. لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الخميسة؟ Pourquoi est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم n'a pas accepté ce cadeau? لأن فيها أعلاما أي خطوطا شغلت في الصلاة. Car ce vêtement contenait justement des motifs et des lignes qui le distrayaient dans sa salat. Qui le distrayaient dans sa salat. ثم قال في السؤال الثامن و550 558e question. كيف طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر أبي جهم؟ Comment est-ce que le Nabi sallam l'a consolé pour ne pas le vexer du fait qu'il n'ait pas accepté cette khamisa en particulier? Tout simplement, il lui a demandé de prendre son anbajaniya. Une anbajaniya, c'est un vêtement qui n'a pas de motif. Tayyib, hadaw. Car à la base, la sunna, c'est d'accepter les cadeaux. Quand quelqu'un te fait un cadeau, tu ne le refuses pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a le misk ou l'al-hadiya, qui ne refusait pas les cadeaux, ni le misk lorsqu'on nous proposait. Cependant, il a fait preuve de hikmah pour ne pas justement vexer ce sahabi, car la raison pour laquelle il a refusé ce cadeau, c'était une chose qui le nuisait, enfin le nuisait c'est un grand mot on va dire, qui le distrait dans sa salat. Et de là on voit un hukm que l'on peut tirer de ce hadith, de cette histoire, c'est les vêtements portant des motifs. À la base, la sunna, c'est de porter des vêtements le plus simple possible. Le plus simple possible. C'est déjà arrivé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam portait des vêtements avec des lignes, mais des choses discrètes. Quant aux vêtements qui ont des couleurs flashantes ou qui contiennent par exemple, je sais pas moi, comme des gens des fois ils portent des maillots de foot avec le nom du joueur sur le dos dans la salat, ça charale, ça distrait les musallines qui vont lire ce qu'il y a sur ton dos ou avec des écrits ou même des fois des objets. Des fois dans la salat, tu as un livre qui pose devant toi, tu regardes le titre, tu lis ce qui est écrit dessus. Donc le meilleur c'est de détourner tout cela, de rendre la chose la plus neutre possible afin que le musalli puisse se consacrer pleinement et avoir le khushu' dans sa salat. Rava. ثم قال في السؤال التاسع وخمسين بعد 500 559 question. من هو الصحابي الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عندما قدم المدينة؟ Qui est le 559e question? Qui est le sahabi qui a accueilli le Nabi صلى الله عليه وسلم dans sa maison lorsqu'il est arrivé à Medina, quand il a fait la hijra? Il s'agit de Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari qui s'appelle Khalid ibn Zayd, comme cela viendra plus tard. Et le dalil sur le hadith, c'est le hadith de Anas. في قصة الهجرة وفيه قال النبي قال نبي الله أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي فقال فانطلقوا فانطلق وهيئ لنا مقيلة. Donc lorsque le Nabi Sallam est arrivé à Medina, il a dit quelle est la maison la plus proche. Et Abu Ayyub a dit voici ma maison et voici ma porte. Sa maison était la plus proche. Donc le Nabi Sallam est rentré chez lui. ثم قال في السؤال 60 بعد 500 560e question. من هو الصحابي الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة عند فتح الكعبة؟ Qui est le sahabi à qui le Nabi Sallam a donné la clé de la Kaaba lorsqu'il a ouvert la Kaaba? Il s'agit de Uthman ibn Talha. Radiallahu anhu. Uthman ibn Talha. ثم قال في السؤال الواحد وستين بعد خمسمية 561e question. اذكر اسم الصحابي من الجن. Cite le nom d'un sahabi parmi les djinns. Car parmi les djinns, vous le savez, tout djinn n'est pas forcément un ennemi. Parmi eux, كما قال تعالى في كتابه ومن المسلمون تمام ومن القاسطون parmi nous il y a les croyants et parmi nous il y a les musulmans et parmi nous il y a les mécréants également وإن من الصالحون ومن دون ذلك parmi nous il y a les pieux et ceux qui sont autres que cela. Donc dans les djinns on trouve l'équivalent de chez l'être humain, sauf que le mal chez eux est bien plus répandu. Donc parmi eux, il y a des sahabis qui rentrent dans la définition, c'est-à-dire qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et en mourant sur la foi. Donc le djinn rentre dedans également. Donc ce djinn s'appelle Zuba'a, si je ne me trompe pas dans les harakat. Zuba'a, comme ce fut rapporté dans Za'afar de Ibn Mas'ud, qui cita lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de lire le Coran auprès d'un palmier, lorsque les djinns sont arrivés, l'ont entendu, ils sont descendus auprès de lui. Et ils se sont dit, ainsi tout, taisez-vous. Wa kanu sab'atan, ils étaient sept. أحدهم زوبعة، et parmi un qui s'appelait زوبعة ou زوبعة، je sais pas, il y a pas les حركات. زوبعة ou زوبعة، الله أعلم. ثم قال في السؤال الثاني وستين بعد خمسمية، 562e question. Il dit qui est le sahabi qui a uriné dans le masjid. Qui est le sahabi qui a uriné dans le masjid? Il s'agit de زو خويسرة اليماني. زو الخويسرة اليماني. كما في الحديث من أنس. D'accord. Lorsque c'est l'Arabi est venu, فبلا في الطائفة من المسجد. Lorsque c'est l'Arabi de Benon est venu, il est venu dans le masjid et que les gens l'ont grondé. Le Nabi sallam قال دعوه. فلما كمل دعا بدلون من ما فأهلك عليه. Lorsqu'il a terminé, il a appelé à ce qu'on lui ramène un seau d'eau, il l'a versé sur l'endroit de l'urine. Donc le Hafiz ibn Hajar dit que le nom de ce sahabi c'est Zou al-Khouaysira. ثم قال في السؤال الثالث وستين بعد 500 563e question. من هو الذي قال اعدل يا محمد؟ Qui est celui qui a dit sois juste au Mohammed? Lorsque le Sahabi avait fait le partage de butin et qu'un homme n'a pas aimé ce qui lui était donné, il a dit اعدل يا محمد. Et donc lui s'appelle également كذلك Zou al-Khouaysira al-Tamimi al-Khariji. D'accord, Zul Khouaysira est Tamimi et c'est un Kharijite. Il est l'ancêtre, le prédécesseur des Khawarij. Mais le Nabi Sallam ne l'a pas tué. D'accord, il ne l'a pas tué pour différentes raisons, pour la maslaha. Comme a dit, Hatta yuqal anna Muhammadan yaqtul ashaba. Pour ne pas que les gens disent que Muhammad tue ses compagnons. Car les gens qui sont au loin ne sauront pas ce qui s'est passé en particulier. Ils verront que Muhammad a tué l'un de ceux qui étaient avec lui. Donc ils disent, si on rentre en islam, il se peut que Muhammad nous tue également. Et Kadhalik, le Nabi Sallam a fait un dua pour qu'il sorte des reins de cet homme-là, des gens qui, il se peut qu'il fasse sortir de ces gens-là, des gens qui, là ça je suis confond avec le hadith des gens qui l'ont insulté, lorsque l'ange il est venu pour demander est-ce qu'il voulait qu'il retourne les montagnes sur eux. Yani, naam, j'ai confondu avec le hadith. Quoi qu'il en soit, le Nabi Sallam ne l'a pas tué. Pour une raison qui fasse que cela aurait pu engendrer plus de mal. Tayyib. Et je sais que dans l'un des deux, il me semble que c'est Zuhoué Serol Tamimi. Apparemment, c'est un ulama voit que c'est Da'if, qui ne s'appelle pas vraiment comme cela. Allahu Ta'ala Alam. ثم يقول اذكر اسماء هذه الكنى. Donc maintenant il dit, il va citer des kunya de Sahaba, et il dit de citer leurs prénoms, car des Sahaba ont été connus pour leurs kunya. Malgré cela, ils avaient des prénoms. Awalan Abu Qatada. Abu Qatada. Donc lui, son nom c'est Al-Harith ibn Rabi. Al-Harith ibn Rabi. Thumma Abu Huraira. Ma'rouf Abu Huraira. Et le nom qui serait le plus authentique, car il y a plusieurs versions, ce serait Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar. Chez Mokbil, vous voyez qu'Abu Huraira, c'était son prénom, directement. Abu Huraira. Wallahu ta'ala alam. Thumma qala Abu Dhar. Abu Dhar, son prénom c'est Jundum ibn Junada. Jundub ibn Junada. Abu Jandal, son nom c'est Al-As ibn Suhail ibn Amr. Al-As ibn Suhail ibn Amr. Thumma Abu Ayyub, Al-Ansari, dont on a parlé au début, lui s'appelle Khalid ibn Zayd. Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, son nom c'est Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais. Abu Bakra, que souvent les gens confondent avec Abu Bakr. Lui c'est Abu Bakra avec un T à la fin, Abu Bakrata. Lui son prénom c'est Nufayya ibn al-Harith. Nufayya ibn al-Harith. Et pour finir, il dit Abu Sa'id al-Khudri. Quel est son prénom? Abu Sa'id al-Khudri, c'est Sa'd ibn Malik. Sa'd ibn Malik. Et pour les gens qui aiment savoir justement les prénoms des Sahaba qui ont des kunya, par exemple, dans les livres qui sont accessibles et qui ont été traduits en français, il y a Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi, rahmallahu ta'ala, car dans son livre, il cite les Sahaba avec leur kunya, ainsi que leur prénom, et ainsi que leur nasab. Ce qui aide à pouvoir mémoriser le tout. Naam. فهذا الذي ردنا اليوم ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.